Listen. Et maintenant, now, place au DJ finistérien Jérémy Solis. Jusqu'à 3h, Jérémy Solis. Jérémy Solis. DJ résident de la discothèque Le Point de Vue à Laz est aux commandes d'East West. Point de vue à Laz est aux commandes d'East West. Club West, spécial réveillon de la Saint-Sylvestre. Happy New Year. Jusqu'à 4h, Jérémy Solis est aux commandes d'It West. Montez le son. C'est Club West. spécial réveillon de la Saint-Sylvestre. Happy New Year. Jusqu'à 4h, Jérémy Solis est aux commandes d'It West. Montez le son. C'est Club West. Spécial Nouvel An. 3h, 4h, Jérémy Solis. Jérémy Solis. DJ résident de la discothèque Le Point de Vue à Laz est aux commandes d'It West. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause a man's unnatural hand Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Spécial réveillon de la Saint-Sylvestre. Happy New Year. Jusqu'à 4h, Jérémy Solis est aux commandes d'It West. Montez le son. C'est Club West. Do you remember? Hey. When it first night, September. Hey. Love was changing the minds. Pretend love. Hey. While chasing the clouds away. Our hearts were ringing. Hey. In the key that souls are singing, hey, as we dance in the night. Remember, hey, how the stars roll the night away. spécial nouvel an. 3h, 4h, Jérémy Solis. DJ résident de la discothèque Le Point de Vue à Laz, est aux commandes d'East West. We'll be right back.

Well, the Illinois Central and the Southern Central Freight got to keep on pushing my mug, 'cause you know they're running late. Without love, where would you be now? Nah, nah, nah. Money.

Saint-Sylvestre. Retrouvez le set de Jérémy Solis en replay sur eatwest.com.